100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Et c'est parti pour la Nocturne. Coup d'envoi, première saison de la Nocturne en ce 27 août 2016. Bienvenue à vous tous. On le disait avec Difool, ceux qui sont peut-être sur la route, ceux qui sont posés à la maison, ou ceux encore les plus chanceux qui profitent des derniers moments de vacances à la plage peut-être. Tiens, dites-nous où vous êtes pour écouter le son de la Nocturne, 100% rap français, un petit message avec le hashtag la Nocturne sur Skyrock, ça arrive direct. Une heure de nouveauté, une heure de son classique. On repartira, bah tiens, pour fêter aussi les 20 ans de la saison de Planète Rap, 20e de saison pour Planète Rap. Et pour la Nocturne, on ira faire un tour dans l'année 1996, ce sera dans la deuxième heure d'émission. Coup d'envoi de la Nocturne, 100% rap français, c'était tout à l'heure dans l'émission, il nous l'a dévoilé en exclu. Gims nous a ambiancé son remix de Sapé comme jamais. On va débuter avec. Sur le morceau, il y a Gradur, il y a Alonso, il y a Que Black et la belle Hawaii Mani, ainsi que Maître Gims. On débute avec maintenant. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. On dirait que Skyrock ce soir, Planète Rap, on est vendredi. Et à contre-cœur est déjà sorti, c'est dans les bacs. Là, c'est le remix de Sapé comme jamais. Avec Alonso, Gradur, Que Black, Hawaii Mani. Sapé comme neve, t'es neve dans le carré. Ah, 20 bouteilles sur la table, je vais encore finir pour. Il s'appelle Gradur. Allez, Yamato, Pinacotazo. Avec Guarado, regarde tout ouais. Équipé comme jamais, les 10 mais son charme. Son bâton est de Kine jusqu'à la Côte d'Azur. Passe avant minuit. Passe toujours avant minuit, ça change pas. Je vais te faire vivre un dream. Je vais te faire vivre un dream. On avance toujours sur la même piste. Et ça brille toujours autant, ouais. Bienvenue dans la terre du milieu. On est sapé comme jamais. Les soccer en position. Il s'appelle Que Black. Normal que l'on cache la démarre. Au bout sont ces photos que j'ai des mains. Puis sur la piste pour la laisser des demeures. Autour du poignet, je le salais à Neymar. Dans mes grands coups, je vois l'avenir. Ça se passe sur Skyrock. Sapé comme jamais. Ça se passe sur Sky. Sapé comme jamais en featuring. Alors tu as Que Black, Gradur, Hawaii Mani. Mais tout le monde c'est animal, fais-moi un blouson, papé. Donne 20 000 euros, je citerai ton nom, mamé. Je n'aime pas toucher, qu'elle me fait un dégât des eaux, mamé. Gamos, beau gosse, vamos, bouge à Phuket, et moi demain. Je fais les 100 pas, je pense au peso, je t'oublie, tu boudes, et moi demain. J'ai mis la Wea, Drogba, Kwame, j'ai marqué le terrain. J'ai un jean en or, Balmain, j'ai un jean en or, cousin. Passe avant minuit, passe à 23h42. Je vais te faire vivre un dream. T'avances sur la piste, les yeux. J'avance sur la piste, toi, je suis habillé comme jamais, être humain n'était habillé sur terre. Ce soir, grosse soirée, faut pas que je vise tes gars. En voiture immobilisée, mais mon poignet relaxisé. J'arrête que suffit, c'est mon carrefour, la jouer vite, yeah. Tu parles, moi j'agis, genre, t'as dit que la vie dit. Oh, ce soir, on sort entre filles, ma fille, ça l'est, mon chien d'habitude. Ça fait comme jamais, bien loulou et boudin.

bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Écoute ce refrain, retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. Timour en 96, pas mieux demain. Nocturne, 100% rap français, 100% classique. Et dans l'Est de la France, il y avait un groupe qui faisait parler de lui du côté de Strasbourg, le Neuf, avec Abdelmalik notamment. NAP, je viens des quartiers, c'est maintenant dans la Nocturne. C'est 100% rap français. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. On commence par celui de soi-même. Tu hurlais, affranchi, je ne suis pas un MC. Ma clique vaut du cash, du Georges comme Hieronymo. Je fais NSB avec l'assassin pour mon scud. Considère ma zik comme le dealer Fantoshi. Tu m'entends rapper comme un as, comme Nasty. Prêt à mourir comme Biggie Small dans mon LS. Tu veux me tester, soit ton rap pour commencer. Le fat Joe du rap français, le Kabyle, le vrai de bac. Comme décédé dans un bac. Mec c'est comme ça, donne la. Je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Keep it real. Tu vois, mec c'est comme ça, donne la. Je viens des quartiers et je ne l'oublierai pour la quartier. Keep it real. C'est ça, je viens des quartiers. Reste vrai. C'est ça mon loss. C'est pas mon boulot mais je rame comme si j'étais sur une erga. Ce qui équivaut à l'esprit de ce qu'il est vaut. C'est trop en professionnel, je m'oppose. Les en rep et par la voix moi dans un interphone. Tout un potentiel tué dans l'œuf, mon quartier frustré. Dans la rue les jeunes sont calmes, seulement sous calmant. Il y a des clans, des compétitions. Les quartiers se déchirent, des voitures volées puis brûlées. Qui faut-il accuser? Maintenant tu vois ce que pense quelqu'un comme moi. Aucune opportunité, mon quartier est mon état. Mon complexe est gros, c'est pas une info. Mais qu'est-ce qui est urgent, à part ton argent? Voler est ici un trampoline. Le simple fait que des fois je hais la police montre que des gens comme moi peuvent basculer. Je n'aime pas les gens qui parlent des quartiers mais ne les connaissent pas. Yo, je viens des quartiers, yo, je viens des quartiers. Tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, mec c'est comme ça. Je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Pour la vraie, tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Jamais, tu vois, mec c'est comme ça. Je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. À présent, voici le AI, Trema 2 SA, Aïssa, sorti du précis, habitant dans un quartier. Le négro le plus maigre a vécu en HLM, où le business circule comme le sang dans les veines. Beaucoup de lascars se font du genre et les keufs tournent et retournent comme des vautours. Ils veulent nous pécho et nous voir dans un cachot. Les mecs vivants dans les cités ont le sang chaud. Je viens des quartiers et je traîne dans les escaliers. De 1h de l'après-midi à 5h du matin, avec du zot là et en buvant que des 8-6. C'est pourquoi? Parce que dans la Tessie on galère, la galère est le meilleur ami du mec de Tessie. Dans les habitations à loyer modéré, la vie est difficile. Confronté matin et soir au Tmini. Et nous les NAP, nous sommes forgés dans la cité, on est fiers. Tu vois, mec, c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, mais c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Jamais. Yo Bilal. Étonnamment, tous les matins, lorsque je me réveille, le jour présent ressemble à celui de la veille. Les mêmes mecs, assis sur les mêmes bancs, les mêmes mecs, parlent de mêmes trucs fous. De braquage, de vol à l'arrache, de calme de jugement, de mecs en prison, pas de répit. Ici, la vie est ainsi. Tard le soir, une voiture brûle au quartier, des mecs saoulés. Tu connais la routine, refrain. Les gars de mon voisinage ont fait un carnage. Une fois qu'ils ont pensé qu'ils en avaient l'âge. Des fois je pense à mes frères et sœurs restés en Afrique, qui vendraient père et mère pour ce pays mythique. La France ne le sait pas, mais elle fait encore rêver. Mais moi je viens des quartiers et je ne peux l'oublier. Tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, mec c'est comme ça. Je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. La nouvelle tu vois, 100% rap français. J'ai appris et compris que la mort avait un prix. Pouvoir, argent, sentiment, trois mots qui attirent le sang. Les sales besognes, j'aime, je décogne et cogne, saigne, sans vergogne. Et même en affaire, le sang ça coûte trop cher. C'était un enfant, lorsqu'on l'a recueilli. Depuis adopté au sein de la famille, visage d'ange pour un démon. Ses yeux brillent devant son père le donne. Padre mio, capot de la pègre. Il aime plus que moi, je crois, mon petit frère est nègre. Bugsy, nourrisson trouvé dans la cale d'un bateau. Oh putain, le gosse, on offrait des cadeaux. Maintenant l'adulte veut rafler le passon, le mago. Moi Lucio, le conseiller, la visée, la tête qu'on respecte, frère ou pas. S'il n'est pas droit, il devra payer sa dette quand même. J'ai mon secteur à moi, je fais le poids. Moins de manque de respect, je suis droit. J'ai les colosses que j'en. Je pète dans la soie, tu as sang froid, signe de la croix. Un jour je serai bras droit, mon frère me met des barrières. Sacré Lucho, c'est chaud, là il ne ment pas. Hey, je protège ma peau, gars. Dernier pas dans la mafia. Va-t-il y avoir plus de sang sur les trottoirs qu'il y en a déjà? Dernier pas dans la mafia. Que la mort se rapproche encore une fois. Dernier pas dans la mafia. Va-t-il y avoir plus de sang sur les trottoirs qu'il y en a déjà? Dernier pas dans la mafia. La mort se rapproche encore une fois. Le gosse m'exaspère, il sape nos affaires. Ne respecte aucune tradition. Recrute des négros au sein de l'organisation, c'est pas la règle. Les blocs de ciment, l'avenir, champagne, belle butte zingue. Derrière les barreaux, ouais. Tout ça parce que ce dingue parle avec son flingue. Je trinque, arnaque avec les grossistes. Au fond du trou, je fous tous les connards qui me résistent. Aucun dérange, un mec de la paix, j'éclate les phalanges. Trouve ça étrange, mais je m'arrange à laisser un mec en vivant pour qu'il aille chanter mes louanges. Écoute-moi bien, ouais. La famille a été très bonne avec toi, mais je sais, et je ça sais. Pendant toutes ces années. Qu'est-ce que tu me dis? On que moi t'a je manque de respect, c'est on ça t'a nourri, je sais, et t'as arrête, récompensé arrête. De tout faire foirer. Et alors, malgré le respect, je te dois quoi? Latin, niente. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? C'est le padré, et tu dois te plier. Me plier à quoi? À genoux devant toi, jamais mieux vaut crever. Pourtant la mama t'a enseigné le respect. L'as-tu oublié? Il va t'en falloir pour aller voir le padré derrière le parloir. Ils l'ont arrêté ce matin avec Oscar devant le bar. Putain merde, tu sais, ils ont eu les emparés. C'est à cause de toi que tu dors trop, putain, t'es rouillé. Ouais, respecte-moi, on va voir. Dernier pas dans la mafia. Va-t-il y avoir plus de sang sur les trottoirs qu'il y en a déjà? Dernier pas dans la mafia. Ça va bien, j'entends dire qu'il y a des problèmes entre vous. Explique-moi, y'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, y'a ce petit cul merdeux qui marche dans les rues. Calme-toi. Il a pas de coup, tu es mou. On va voir ton affaire. Dernier pas dans la mafia. Va-t-il y avoir plus de sang sur les trottoirs qu'il y en a déjà? Dernier pas dans la mafia. L'odeur de la mort se rapproche encore une fois. Je pige, c'est ma goutte de prodige dans nos litiges. J'inflige des ordres cruels à mes hommes de main. Protection oblige, c'est lui ou moi qui nous deux dirige. À cette nouvelle douleur que l'on se fige. Les mauvaises langues pendantes me hantent. Lucho veut ta peau, toi je bute mon frérot. Oui, seigneur tout puissant, pas des rétros. Dans quelques temps, un de plus dans la famille et un de trop dans le caveau. Depuis qu'on s'est vu, je garde mon flingue prêt, chargé. L'eau des garanties de ma survie. Mon frère est cinglé, qui sait ce qu'il peut faire installer dans son décor style. Robinet en or, goût de luxe, qu'ils prennent à bras le corps dès lors. Le goût de la mort, 80% ont voté pour l'exécution froide. J'ai posté les gars, planqués au bord des quais. Les containers qui lancent la rade, il est fini. Celui qui rêvait bien trop fort de me détrôner. Au revoir, petit frère, il ne me reste qu'à téléphoner. Allô Bugsy? Ouais, allô. Ouais, retrouve-moi ce soir, quai numéro 20, à 9h. Ok, je roule sur les quais, il est déjà debout là. Mais dans les poches, mine occupée, regard froid. Ça va, Bugsy? Non, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Mais y'a que ça, coup foulé, tu veux me baisser moi? Mais quel coup, mais y'a pas de jeu là-dedans. Je vais faire le tour de ma lèche ici avec le string. Ah, hein? C'est comme ça maintenant. Bien sûr, ouais, y'a plus de grand, plus petit. Enculé, bah viens, c'est fini maintenant, viens. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Tu vas pas tirer sur ton frère. Viens. Thank you. 96, ce morceau de Stomy Bugsy et Akash. Dernier pas dans la mafia, va-t-il y avoir plus de sang sur les trottoirs qu'il y en a déjà? Dernier pas dans la mafia, dernier pas dans la mafia, va-t-il y avoir plus de sang sur les trottoirs qu'il y en a déjà? Dernier pas dans la mafia, 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Nocturne 96, les classiques, avec le morceau de Coma qu'on va écouter maintenant sur Skyrock, époque de fou. Yeah. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est coup pour coup, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, car yeah. On fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est coup pour coup, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. Rien c'est à comme faire. Cinq gars unis comme les cinq doigts de la main. Gamin, ils se connaissaient déjà. Même cité, même école, même classe. Tout est mis en place pour les conduire, les mener à l'impasse. Le soir, après les cours, direction le square. Au square, on squatte le soir, on fait passer devoirs. Les profs ne comprennent pas, les élèves n'apprennent pas. Aucune motivation, seul Rachid continuera son chemin dans les études. Les autres prennent l'habitude de kiffer, rien faire. Leur but de biser les affaires. Deal tranquille, de la barrette, on passe au kill. Et sur un coup de filet, quoi, jamais elle s'est fait sauter. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est tout pour fou, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est tout pour fou, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. Se faire serrer aussi bêtement, disaient les autres. Ça crée des embrouilles, on se rejette la faute. Jamel, et comme sa peine, trois ans ferme à freine. Reçoit du courrier, deux, trois, quatre lettres par semaine. Une de sa mère, écrite par la main de sa sœur. Quand il la lit, il pleure, il a mal au cœur. Pendant ce temps-là, les autres continuent leur business. Rêve de BM, de grosses caisses, de Mercedes. Tu prends ce qu'il y a à prendre, règle 1, je vais pas te la prendre. Disait toujours Patrick, ma femme c'est le fric. L'argent des trafics ramène des voitures et des filles. Mais surtout le regard des flics qui tournent en ville si. Patrick à son tour se fait sauter, stopper. Dans son élan au poste, il se fait baffer. Il n'avoue pas, il ne dit rien sur son affaire. Il préfère se taire en attendant le coup de poker. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est tout pour fou, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est tout pour fou, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air, vie en l'air. Patrick évite la prison, mais n'évite pas son père. À cheval sur les traditions, l'addition est sévère. Fier de l'éducation donnée à son fils. Il ne comprend pas que celui-ci ne puisse esquiver le vice. Le vice, celui qui pousse à prendre des risques. Des risques, pour faire l'argent faut pas jouer les touristes. C'est une triste histoire dans un tiercart trop tricard. Une histoire de fou dans une vie où l'on se fout de tout. On espère changer d'air, mais tout se joue sur un coup de poker. On espère changer d'air, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mais c'est tout pour rien, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mais c'est tout pour rien, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est coup pour coup, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est coup pour coup, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, on se fout de tout, gars. Quoi, on fout sa vie en l'air. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de poker. Mec, c'est coup pour coup, rien pour rien, rien à foutre, rien à faire. C'est une époque de fou, tout se joue sur un coup de Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Je sors les armes de mon paquet, mes rimes stockées. Mon avalanche est prête à plaquer. fais partie de ceux qui lâchent de dangereux paragraphes, de ceux qui éclatent, j'y baffe le mythographe. Alors pour moi, moi, viens rimer, deviens mécanique. Ma lyrical finesse te laisse progresser pour que tu paniques. Stop ton gaz, cap mon blind, cap mes phrases, aucune paraphrase. Dans mon esprit, tout à sa case. Nasio, qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Je viens de Bogota, là où l'on vit sous le souffle de l'obuga. Écoute ça, ne sors pas ton gun pour le fun. Les jeunes tirent sur n'importe qui, même sur leurs propres amis. Le sex and shun n'existe pas là d'où je viens. J'ai fini par manier le micro comme une sabacane frangin. Il y a de l'orage dans l'air qui suit. Sous un nuage de fumée, le Paris s'assombrit. Je donne signe de vie, donc m'appuie, sors ton fugit. Si tu ne peux pas m'encadrer, y'a pas photo, trace ici. J'ai plastifié le lieu pour que tu sautes avec le son. Mieux vaut mourir en t'éclatant que par asphyxie ou infection. Certes, je suis rasoir, mais pas jetable. J'en profite pour tailler les gens de mauvais poils qui parlent dans leur barbe. Jaloux, inutile de vouloir stopper mon élan. Car comme les flots du Nil, je repars aussitôt en courant. La banlieue est sombre, mais allez y déclare. Mes vers luisants contribuent à faire briller sa lumière. Le code de la rue dit aux jeunes la bonne conduite. Prendre des sens interdit peut lui être critique. Dans la rue, le calcul mental est nécessaire. Les bons comptes font des bons amis, ils inversent les adversaires. La rue est comme un labyrinthe négro où les petits poissons se font manger par les gros. La rue est comme un labyrinthe négro où les petits poissons se font manger par les gros. Hey yo, passe-moi le mic. Le mic que je balance mes mots. Ton check, j'écrase avec un différent négro. Respecte tous les négros. Bim bim bim. Pour tous les quartiers dangereux, c'est mon style. J'éclabousse sur la base sur ce freestyle. Est-ce que le massif sont ready? Donc, laisse tourner la boucle car sur le ring, j'pars challenger. Différentes rencontres, mais sur chaque mic, j'dois gagner. Mon père flirte avec un amour. Boum gauche sera le chaos. Pas de solution échappatoire dans mes combats. C'est chaos. Root snake de bas négro. La prod de pèse des kilos. Les maîtres ne se situent pas que dans les jeux vidéo. Réveille-toi. Même si le cauchemar non n'est pas fini. Dibi dibi tu vas connaître la folie. C'est ça pour toi négro. Poseur 10 kilomètres à pile tous ses frères au micro. Et j'en place une pour tous mes frères. Respect, respect, respect. Big it up, une B.A.L. vient desserrer les trucs. Stop. Bon bye bye, celle-ci est pour les slopas. Elle veut du glu glu. Dis-leur que j'ai du chocolat. Les peines pointillées. C-B-R-O-T-H-E-R. J'ai killé. Disent que vivre dans la rue n'est pas fait pour les apprentis. Aussi vite que Speedy Gonzalez. Avant que les soldats avec leur gueule ne te rabaissent. Encaisse, laisse avant qu'ils te tiennent en laisse. Pour ton moment de situation, car dans ta tête, il faut que tu progresses. La rue est comme un labyrinthe négro où les petits poissons se font manger par les gros. La rue est comme un labyrinthe négro où les petits poissons se font manger par les gros. Le vrai pouvoir, c'est arrivé à ne pas se faire casser les couilles à force de me doser. Comme ma taille de pression multiple, j'ai bien peur, oh, oh, qui a déjà présenté son trou du cul à la couille. J'ai bien peur d'être un disciple de la haine. J'ai parfois des fantasmes de scatophile. Je pense vouloir chier sur un pico pour lui dire je t'aime pas. Y'a de rien de plus, lui chier sur sa gueule, juste par principe. Nasa t'es sage, Nasa t'es marabout. Comme ton frère, nous sommes en cage et nous tentons de rester debout. Ouais, la nuit est tombée, je rentre dans mon cabinet. Des cadavres, que dis-je, la rue allongée, auscultée de la tête aux pieds. Grand arrêt, s'il vous plaît. Je redonne vie aux zombies, aux macabres hantés. Oui, les pas que tu entends sont ceux d'une cité révoltée. Car tous sont venus ou viendront me consulter. La rue est comme un labyrinthe négro où les petits poissons se font manger par les gros. La rue est comme un labyrinthe négro où les petits poissons se font manger par les gros. Un 996 classique. Allez, encore un dernier morceau. Il y avait les deux balles de neige à l'instant avec Roca et Nobé. Labyrinthe, c'est ce qu'on écoutait dans la nocturne. 100% rap français 20 ans après. 1996 à l'honneur dans les classiques ce soir. Rap français, planète rap. La nocturne. Non, je n'ai pas oublié tout ça.